Transcription. Unité 0. Activité 1. Page 10. Piste 1. 1. Bonjour madame. Bonjour les enfants. Comment ça va aujourd'hui? Prêt pour une journée de classe? 2. Salut Hugo. Salut Sam. Comment ça va? Ça va, merci. Et toi? 3. Coucou Emma. Comment? Ça va? Coucou. Ça va bien, merci. Et toi? 4. Il est temps d'entrer en classe. Salut, Hugo. On se retrouve à la récréation? Bien sûr, Maxime. À tout à l'heure. 5. Au revoir, Madame Bernard. Au revoir, Madame. Bonne journée. Au revoir, Madame. Bonne journée. 6. Bonne nuit, Hugo. Bonne nuit, Maman.